La légende dorée de Jacques de Voragine, traduction par Théodore Deviseva. Chapitre 42. Saint-Valentin, prêtre et martyr. 14 février. Valentin était un saint prêtre. L'empereur Claude se le fit amener et lui dit « Pourquoi donc, Valentin, ne t'acquiers-tu pas notre amitié en adorant nos dieux et en renonçant à tes vaines superstitions ?» Et Valentin, si tu connaissais la grâce de Dieu, tu ne parlerais pas ainsi, et c'est toi qui, renonçant à tes idoles, adorerais le Dieu du ciel. » Alors un des familiers de Claude dit « Oserais-tu médire de la sainteté de nos dieux ?» Et Valentin, « Vos dieux ne sont que des misérables créatures humaines et remplies d'impureté. » Alors Claude, « Si ton Christ est le vrai Dieu, dis-moi la vérité. » Et Valentin, « La vérité est que le Christ est le seul Dieu. Et que, si tu crois en lui, ton âme sera sauvée, ton pouvoir s'accroîtra, tes ennemis seront vaincus. » Et Claude, se tournant vers les assistants, leur dit, « Romains, entendez-vous comme cet homme parle bien et avec sagesse ?» Mais le préfet dit, « On trompe l'empereur. Faudra-t-il donc que nous abandonnions ce que nous avions tenu pour vrai depuis l'enfance ?» Et ces paroles endurcirent le cœur de Claude, qui livra Saint-Valentin à un prince de sa cour en le chargeant de le garder prisonnier chez lui. Et quand il fut arrivé dans la maison de ce prince, Valentin s'écria « Seigneur Jésus, lumière unique, illumine cette maison, afin qu'on te reconnaisse comme le vrai Dieu. » Sur quoi le prince lui dit « Puisque tu affirmes que ton Christ est la lumière, demande-lui de rendre la vue à ma fille aveugle. S'il le fait, je croirai en lui. » Valentin se mit en prière, rendit la vue à l'aveugle et convertit toute la maison. Mais l'empereur ne l'en fit pas moins décapiter. Ce martyr eut lieu en l'an du Seigneur 280.